De différents milieux sud-coréens accusent les autorités sud-coréennes de complot visant à voiler leurs crimes de kidnappage collectif des citoyennes de notre République. Le 16, les avocats relevant du Rassemblement des avocats pour une société démocratique sont allés au centre de protection des habitants nord-coréens fugitifs situé à la province de Gyeonggi. Protestant contre les autorités cherchant à cacher leurs crimes dans les mouvements collectifs, ils y ont tenu une conférence de presse et déclaré demander une indemnité au gouvernement pour l'empiétement sur le droit des avocats et s'efforcer de mettre au clair le dessous de l'affaire. Le lendemain, le Comité Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin a lancé une déclaration exigeant l'éclaircissement prompt de la vérité de l'enlèvement collectif et le journal sud-coréen Une Nation a révélé que le centre précité où sont détenues les Nord-Coréennes est la nouvelle forme du centre d'interrogatoire conjoint fondé en 2008 par l'agence de renseignement et que ce centre a ourdi d'innombrables affaires, y compris l'affaire de fonctionnaires espions de Séoul.